Le jour de l'an par J.J. Weiss, lu par Christiane Johann. Le voici enfin venu, le jour de fer et d'airain, qui n'apporte plus à la maturité et à la vieillesse d'autres pensées que celles de contributions absurdes à verser entre les mains de quantités de bons amis dont on ne se soucie point et qui eux-mêmes n'ont souci de vous que ce jour-là. On le maudit dans les gazettes, dans les cercles et dans les salons. Pour moi, par une grâce d'état sans doute, je n'ai cessé de le voir avec les yeux du jeune âge. Que de souvenirs il évoque dans mon esprit, quelle somme de bonheur perdu il me représente, que de rêves joyeux, que de braves gens, quelle bonne, quelle vraie enfance. Avez-vous eu, cher lecteur, au matin de la vie, la passion de Noël, de Saint-Nicolas, du carnaval et de son enterrement, des feux de Saint-Jean, des œufs de Pâques, et généralement de toutes les bonnes vieilles coutumes de nos pères? Avez-vous aimé entre toutes ces fêtes le jour de l'an? L'avez-vous bien aimé comme il mérite de l'être? Non, sans doute, si vous étiez de maison opulente. Vos vœux étaient prévenus et comblés à tout instant de l'année. Ce jour-là ne pouvait vous apporter ni une espérance, ni un désir, ni un bonheur qui tranchât bien vivement sur les satisfactions des autres jours. Non encore, si vous étiez tout à fait pauvre, la misère ne fait point relâche. Le jour de l'an n'était pour vous qu'un jour plus vilain que les autres. Il ramenait l'hiver, c'est-à-dire le froid, pour vos pauvres petits pieds nus, un surcroît de souffrance pour votre mère malade, la faim peut-être. Qu'eussiez-vous fait du jour de l'an? Je suppose donc, ami lecteur, que vous étiez de mince condition, ni riche ni pauvre, fils de petits bourgeois ou de petits militaires. On gagnait chez vous durement sa vie, mais enfin on la gagnait, et selon la pittoresque expression des braves gens, on parvenait, tant bien que mal, à joindre ensemble les deux bouts de l'an. Vous, vous ne saviez pas ce que coûtait de coups d'aiguille sous la lampe à votre vaillante mère les chemises galantes dans lesquelles vous vous prélassiez le dimanche. Vous ne saviez pas qu'oublieuse, pour vous parer, des coquetteries de son âge, elle usait au travail ses jeunes et jolis yeux. Vous ignoriez que, chaque fois qu'on vous menait à la comédie, ce qui vous paraissait bien rare, il fallait que votre père, le lendemain, s'arrachât du lit, 2 heures plus tôt, par le grand froid, pour réparer la brèche faite à la bourse. En ce temps-là, vous aviez de 9 à 11 ans, un peu plus ou un peu moins. Vous habitiez une ville, aux clochers bizarres et aux immenses toits multicolores comme Dijon, ou mieux, une de ces forteresses du Nord, si grises, si tristes, si attrayantes dans leur tristesse. Mézières, par exemple, ou Montmédy, où j'y vais, que la Meuse, aux robustes brumes, protège de ses plis. Et, à la suite d'une année qui vous paraissait aussi longue à finir que celle-ci vous paraîtra fugitive, un jour arrivait, comme celui où vous me lisez maintenant, le premier jour de l'année nouvelle. Avec quelle fièvre d'impatience vous vous endormiez le soir de la Saint-Sylvestre ? Dès 5 heures le lendemain matin, vous étiez debout, la neige avait tombé toute la nuit. Son blanc tapis couvrait la terre, un linceul, disent les poètes d'humeur sombre. Vous n'étiez pas de cela. Les maisons ne vous paraissaient jamais si riantes que sous les toits poudrés à blanc par la gelée. Il vous faisait peine qu'on osât souiller la neige en y marchant. On y marchait pourtant. Dès avant l'aube, sans et sans traces de pas s'y étaient déjà entrecroisés. C'était un mouvement, un bruit, des allées, des venues. Par toute la ville, les tambours faisaient retentir leurs bancs avec un fracas à vous assourdir. Ils roulaient, puissants et sonores, sur les douleurs de l'année qui finissait. Et gaiement, de rue en rue, aux portes des principaux personnages, la musique du régiment chantait l'année nouvelle. Vous l'entendiez d'abord près de vous, vous l'entendiez encore au loin. Jamais musique ne vous a remué le cœur comme celle-là. Pas même à 20 ans, dans les salons étincelants de lumière, de fleurs, de diamants et de femmes, le maladif instrument des fêtes mondaines, dont les sons se mêlent au parfum, pour imprégner tout l'être et enflammer l'âme alanguie d'une soif immense de bonheur. Le jour de l'an n'était pas simplement pour vous le 1er janvier, après le 31 décembre. Il apparaissait à votre imagination couleur de rose comme un pont de bois sculpté, un pont ravissant d'opéra comique, suspendu sur un abîme qui séparait l'une de l'autre 2 existences différentes du tout au tout. L'une pâle, morne et féconde en faute, l'autre merveilleuse de bonheur et de vertu, vers laquelle vous guidait, par des sentiers semés de papillotes, 2 fées secourables, le repentir et l'espérance. Voilà au milieu de quelles émotions vous arrivaient les cadeaux de l'année nouvelle. Parmi ces cadeaux, il y en avait deux. Rappelez-le-vous bien, que vous attendiez avec une ardeur particulière et qui étaient reçus véritablement comme des présents d'en haut. C'était d'une part le théâtre en carton peint, avec ses deux éternels décors, représentant un parc français pour tout ce qui devait se passer en plein air, et un salon pour tout ce qui était scène intime. Un théâtre où il eût été absolument impossible au romantique le plus effréné de violer l'unité de lieu. C'était d'autre part l'almanach à images gravées sur bois, les beaux livres illustrés tels que les fonds Hetzel, Hachette et Didot, étaient en ce temps-là à peine connus, ou du moins n'étaient-ils pas à la portée de tout le monde. Il n'y avait donc que l'almanach de Strasbourg ou de Berne, imprimé sur du grossier papier à chandelle, mais si riche de bonnes maximes, d'anecdotes plaisantes et de contes de revenants à donner la chair de poule. Toutefois, le théâtre et l'almanach ne venaient pas tout de suite. Comme tous les dons excellents, ils se faisaient attendre. Un cortège de menus étrennes les précédait. D'abord défilait chez vous la kyrielle importune de ceux qui viennent pour recevoir et non pour donner. Ensuite se présentaient les gens économes qui n'ont à offrir que leurs souhaits et qui même ne s'en dessaisissent pas toujours de bon cœur. Vous leur tendiez la main plus vite que la joue. « Travaille bien, mon enfant, vous disait-il, les temps sont durs. Tu verras quand tu seras obligé de compter par toi-même. C'est une chose incroyable, comme en ce siècle-ci, l'argent vous fond entre les doigts. On ne parvient plus à vivre si l'on ne s'épuise à la peine. » Ainsi commençait par un désappointement cette année dont vous vous promettiez tant de belles choses. Peu après, cependant, pointaient à l'horizon quelques maigres cornets de dragées, un chien de sucre, malheureuse victime, destinée à périr en deux coups de dents, le chien en pattes durcies qui aboie ou bêle, c'est tout un, par l'entremise d'un soufflet, les moutons qu'on fait tourner en musique au moyen d'une manivelle en fil de fer. À 8 heures, le logis était envahi par une avalanche de soldats de plomb. À 9 heures, l'artillerie. À 10, le tambour et le sabre, nécessaires au chef de ces troupes formidables. Car, aussi supérieur que Pierre le Grand, au vain préjugé, vous deviez être, comme lui, à la fois général et tambour dans votre propre armée. Bientôt, une voiture inespérée vous tombait des nues, bourrée de pralines. Quel saut de joie ! Et cependant, vos pieds n'avaient pas eu le temps de rejoindre le plancher que vous formiez un nouveau souhait. Serait-ce que l'ambition de l'enfant est insatiable, comme celle de l'homme ? Non, vous saviez borner vos désirs. Mais deux choses vous manquaient pour être comblées. Vous attendiez encore deux visites, les plus belles de votre jour de l'an. À chaque instant, vos yeux se tournaient vers la porte. Enfin, elle s'ouvrait. Vous ne faisiez qu'un bond jusqu'au seuil, renversant cheval sur canon et canon sur soldat. Oh, cette fois, vous tendiez la joue sans la main. Qu'était-ce donc ? C'était en premier lieu, cher lecteur, ne m'en veuillez pas, je vais trahir le secret de votre cœur. C'était en premier lieu la brillante jeune femme qui occupait le premier étage de la grande maison neuve située en face de la vôtre. Comme elle était belle ! Ses toilettes resplendissaient auprès de vos minces vêtements. Elle était riche, riche, riche. Elle ressemblait aux reines qu'on voyait à la comédie et aux jolies figures roses peintes sur vos boîtes de bonbons. Comment l'aviez-vous connue ? Vous ne sauriez le dire au juste. Un dimanche, en sortant de vêpres, elle avait remarqué votre mine éveillée. Une autre fois, elle avait complimenté madame votre mère, et d'un prompt mouvement plein de grâce, elle s'était baissée jusqu'à vous pour vous embrasser. Chose étrange ! Toute sauvage que fût votre humeur, vous n'aviez pas songé à opposer de résistance. Vous étiez resté là, cloué à terre, et comme pétrifié d'admiration, rougissant pour la première fois du peu que vous étiez. Une simplicité si riche, une coquetterie si peu apprêtée, un bonheur, une aisance, un charme dans les moindres choses. Elle était ensuite revenue souvent chez vous, et elle vous attirait chez elle, un sanctuaire de velours et de soie où vous preniez avec les fauteuils, les rideaux et les tapis toutes sortes de précautions superstitieuses. Elle vous découvrait une vie inconnue de vous et des vôtres, la vie large et libre des privilégiés de ce monde qui est active et qui ne connaît point le joug du travail, pour qui tout est loisir et pour qui rien n'est paresse. La vie sans la sueur au front, la vie qui ne rampe point, la vie avec des ailes terre promise du laborieux roturier, vers laquelle beaucoup s'élancent, mais où bien peu dépasse le mont Nebo. Aussi était celle qui vous donnait au jour de l'an le théâtre de carton peint sur lequel vous réalisiez les magnifiques aventures rêvées par votre imagination. Que vous le sachiez ou non, elle a été votre premier, peut-être votre unique amour. Vous attendiez, en second lieu, le vieil ami de la famille, qu'il était un peu aussi de tout le quartier, un homme tout à fait à part, comme la coupe de son habit vert pomme. Cet habit avait de bonne heure frappé votre imagination. Vous aviez observé que ses chapeaux n'étaient pas construits à la façon de ceux des autres. Il savait le premier les nouvelles, la pièce rare qu'on aurait servie la veille au dîner de la préfecture. Si les vignes gèleraient en mai, quel danger couvrait la récolte du houblon et pourquoi Saint-Pétersbourg s'était subitement trouvé en froid avec Londres. Bref, il n'y avait pas une aussi fine langue parmi tous les commères du voisinage. Fine langue et fine lame, ouida ! Il portait crânement le chapeau sur l'oreille. Je gâche qu'il pêchait à la ligne, en dépit des beaux messieurs et de leurs railleries. Il vous inventait tous les 6 mois une amusette nouvelle, il devinait la carte que vous pensiez, il savait jurer et dire « I love you » dans toutes les langues. Au besoin, il parlait japonais sans plus d'embarras que Malherbe, quoique ce ne fût pas, à beaucoup près, le plus prodigieux de ses talents, car il gardait pendant 6 minutes une chandelle allumée dans sa bouche. Et c'était des rires. N'est-ce pas que l'antique coucou, d'une lenteur ordinairement si monotone, semblait précipiter ses battements dans son armoire quand il était là? N'est-ce pas qu'une excitation joyeuse courait dans vos veines et que vous aviez de la peine le soir à vous endormir sans casser quelque chose? Si comme il se plaisait à le redire, on reconnaissait l'âge d'un Français au vaudeville qui chante, il mentait impudemment en fredonnant à tout propos le duo des 2 avares. Je n'ai pas la 60aine. Il l'avait sans aucun doute, ces vaudevilles les moins fanées remontant à l'année 1820. Si jamais tu me rappelais, France, pour venger tes injures, malgré mon âge et mes blessures, au combat, je volerais. Mais ce qu'il répétait encore plus volontiers, c'était le refrain auquel votre père souriait malignement, surtout si votre digne femme de mère se trouvait là pour l'entendre. Il faut chercher toute sa vie la femme qu'on doit épouser. Et quand d'aventure il entrait chez vous, au moment qu'en sortait la jolie voisine, il ne manquait jamais d'entonner d'une voix pompeuse « C'est la princesse de Navarre que je vous annonce en ces lieux, c'est la merveille la plus rare qu'ait pu former la main des dieux. » Était-il dans l'aisance ou dans la gêne? De quoi vivait-il? Quel métier avait-il fait? Quelle carrière suivie? Toutes et aucune. Maintenant que vous y pensez de sang-froid, vous ne pouvez vous empêcher de juger qu'il y avait bien des lacunes dans ses connaissances, dont le nombre vous accablait, et qu'en explorant son esprit, on y eût trouvé plus d'un coin bizarre. Ainsi, en fait d'art militaire, son héros des héros, c'était Dugommier. Pourquoi? C'est ce qu'il vous a toujours été impossible de deviner. S'il voulait citer le comble du génie humain, il disait « Volney, lisez les ruines !» Mesdames, ce n'était pas un livre à mettre entre les mains d'un enfant comme vous. Plus tard, quand vous seriez capable de penser. Et vous ouvriez de grands yeux, affamés de science, en regardant en pitié votre cheval de bois, soudain terni, et vos pantins qui ne dégageaient plus de gaieté. Quel homme! Quelle source intarissable d'anecdotes! Quel recueil de coq à l'âne! Mais aussi que de bon sens! Quelle mine de bons conseils! C'était celui-là, c'était lui qui donnait l'almanach. Et moi aussi, cher lecteur, comme vous, j'ai eu 11 ans. J'aurais peine à décider ce qui me séduisait le plus du théâtre de carton ou de l'almanach. Le théâtre me sonnait des fanfares d'avenir. Il me disait « Tu seras un jour militaire et poète ?» À Paris, au centre des merveilles et des grands hommes, devant une galerie de femmes, toutes plus éblouissantes que celles qui m'apportaient chez toi, tu feras représenter des comédies admirables. On pleurera, on rira, on battra des mains. Par malheur, l'almanach donnait la réplique. L'almanach, sous beaucoup de poésie, cachait son grain de prose, Anguis in herba. C'était un de ces dictons, empruntés à Lockman, qu'on doit demander des leçons de sagesse aux aveugles qui ne posent le pied qu'après s'être assurés du terrain avec leur bâton. Mon ami, reprenait-il dans son langage, tu n'es pas précisément aussi riche que le comte de Guiche. Fais attention que le chemin de la gloire s'embranche sur l'hôpital. Il te faut un état solide. tu seras quelque part commis aux Écritures, à moins que tu n'aimes mieux devenir savant et mener une vie encombrée de latin. Jusqu'à présent, c'est l'almanach qui l'a emporté. Va, cher almanach, je ne t'en veux pas. Toutes ces choses sont aujourd'hui bien loin, mais la vie, qui efface tout, n'efface point la mémoire de ces premiers innocents plaisirs. À chaque année qui finit et qui recommence, on ne peut s'empêcher d'en évoquer l'image. Je ne m'associe point aux blasphémateurs du jour de l'an. Il me semble que ce serait apostasié. Folle est le prêtre, disait le messager boiteux parmi ses proverbes. Folle est le prêtre qui vit des reliques et qui en médit. Et par quoi vivons-nous encore, je vous prie, dans les âges plus tristes, si ce n'est par ces chères reliques qui s'appellent souvenirs d'enfance et de jeunesse. J.J. Weiss.